Ô vous, les négateurs au cœur voilé, je n'adore pas ce que vous adorez. Premier des éléments, c'est le premier effort de l'homme. La nature humaine, par essence, quand elle n'est pas liée avec l'unique, va adorer le divers, c'est-à-dire qu'elle va peut-être même s'adorer soi-même. C'est l'ego qui, finalement, devient le but de ma vie, protéger mon propre ego. C'est l'argent, c'est les statues. Alors à cette époque, ici, on est directement à l'époque où le prophète, alayhi salam, est avec les Quraysh, c'est-à-dire des polythéistes qui adorent des statues. Alors encore une fois, il faut bien que nous comprenions que les statues, c'est le symbole matériel de toutes les statues intellectuelles, de toutes les statues immatérielles que nous avons. Une statue, c'est effectivement une pierre que l'on peut adorer et qui ne nous apporte rien, mais c'est soi-même qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est l'argent qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est toutes les dimensions de la vie qui font qu'à un moment donné, comme le dit Abu Hamid el-Razali, notre cœur est toujours plein de quelque chose. Soit il se libère par Dieu, soit il s'emprisonne par les choses. Et ici, je n'adore pas ce que vous adorez, je me libère de votre adoration des choses de la création, pour aller à l'exigence de Dieu unique.